Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barrel 1882. Le darwinisme est la négation de la science. Inutilité d'une nouvelle démonstration, opinion des hommes de science sur le darwinisme, quelques noms déjà invoqués, les deux Geoffroy Saint-Hilaire, autres savants, le coup de grâce donné au système par M. Dumas. En déclarant que le darwinisme est la négation de la science, je ne fais qu'exprimer en une formule le fait qui a précisément servi de texte à ce travail. Si donc, ainsi que je m'en flatte, ma démonstration a été suffisante, je ne vois aucunement la nécessité d'y revenir, car les arguments que j'aurai à faire valoir rentreraient forcément dans les premiers. Il est cependant un complément de preuve que je ne saurais omettre, ne fût-ce que pour achever notre parallèle entre Darwin et Moïse, c'est celui qui a trait à l'opinion des savants sur le système de Darwin. Nous savons déjà ce qu'en pensent Cuvier, Flourens, Agassiz, Pasteur et de Quatrefage. Pour eux, les prétendues transformations du singe en homme sont ce que Brongniart a appelé des contes de fées. Mais est-il vrai, ainsi que l'affirme Mademoiselle Clémence Royer, que les deux Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne et Isidore, aient perfectionné la théorie de Lamarck et préparé de la sorte le triomphe de celle de Darwin? Laissons-les parler eux-mêmes. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, l'homme occupe une place à part du singe et est lui-même au-dessus du règne animal. Son apparition sur la terre coordonne et achève le sublime arrangement des choses en ce qui concerne notre planète. La négation du Créateur est la plus monstrueuse des opinions. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, l'homme n'est pas, comme le disent quelques faiseurs de système, la première espèce de singe, grossière erreur, même au point de vue purement physique. Il est vrai que, plus on l'étudie dans ses organes, plus on reconnaît que l'être, fait à l'image de Dieu, répète quelques-uns des caractères de ce hideux animal. Mais qu'importe qu'il n'y ait extérieurement entre l'homme et le singe qu'une limite, si ailleurs il y a entre eux un abîme, ou, pour parler en naturaliste, qu'il ne forme, à un point de vue, qu'une famille, si, à un autre, il constitue un règne tout entier? Si Mademoiselle Clémence Royer persiste à voir, dans ses déclarations des deux Saint-Hilaire, un double plaidoyer en faveur du darwinisme, il faut avouer qu'elle n'est pas exigeante. Messieurs Gaudron, Darchiac et Maillen Edouard parlent absolument dans le même sens. Enfin, l'illustre secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences a donné le coup de grâce au système par les magnifiques développements que voici. Monsieur Dumas, le matérialisme d'Empédocle, revêtu de la poésie brillante de Lucrèce, s'était éclipsé dès l'approche de la morale chrétienne. Il reparaît après 2000 ans. Rajeuni par une interprétation contestable des découvertes de la science moderne. De même que le corps de l'homme se fait par des transformations de la matière, on veut que la vinesse et que la conscience se produisent par de simples transformations de la force. De même qu'après la mort le corps de l'homme retourne à la terre d'où il est sorti, on veut que la vie et la conscience aillent, en même temps, se perdre et se confondre dans l'oubli du vaste frémissement des mouvements secrets qui agitent l'univers. Naître sans droit, vivre sans but, mourir sans espérance, telle serait notre destinée. Cette destinée pourrait être suffisante à la satisfaction de ces esprits superficiels qui traversent le monde soutenus par la curiosité ou par la satisfaction de la difficulté vaincue. Par l'orgueil peut-être, mais l'ensemble des hommes ne s'en contenterait plus. Heureusement, Il en existe d'autres à qui est réservée la tâche, et ils n'y failliront pas, de défendre l'âme humaine contre le flot grossissant du matérialisme. Quand le matérialisme déclare qu'il n'y a rien dans l'intelligence qui n'ait été d'abord dans la sensation, Leibniz peut lui répondre, si ce n'est l'intelligence elle-même, source unique de la pensée. Pourquoi la science, s'élevant à une conception de plus en plus abstraite des faits, voit-elle l'objet qu'elle poursuit s'éloigner sans cesse? C'est que l'homme, s'étudiant lui-même, a bientôt reconnu qu'au-delà des organes il y a une volonté, au-delà des sens, un esprit, au-dessus de l'argile dont son corps est pétri, une âme dont il ignore la nature, l'origine et la destinée. La vie elle-même, qui se transmet mystérieusement de génération en génération, depuis son apparition sur la Terre, est pour lui un problème sans solution. D'où elle vient, la science l'ignore, où elle va, la science ne le sait pas davantage. Quand on affirme le contraire en son nom, on lui prête un langage qu'elle a le droit de désavouer. Ainsi s'exprime Monsieur Dumas. A-t-on jamais plus noblement vengé la science de sa prétendue solidarité avec le matérialisme et l'athéisme? Et l'école de Darwin a-t-elle jamais reçu plus éclatant démenti? Le darwinisme est la négation de la philosophie. La Bruyère, Monsieur Pasteur, la cellule cérébrale opposée à l'âme, puérilité et insanité, comment Darwin comprend la philosophie, Voltaire, motif de son apothéose, ce qu'il pensait des matérialistes et des athées, la vérité triomphant du blasphémateur. La Bruyère a dit, comment la matière peut-elle être le principe de ce qui la nie et l'exclut de son propre être? Comment serait-elle dans l'homme ce qui pense, c'est-à-dire ce qui est à l'homme même une conviction qu'il n'est point matière? Monsieur Pasteur a dit de son côté, transformer un corps inactif en un corps actif, c'est là ce qu'on n'a jamais fait. C'est là au contraire ce que la nature vivante fait sans cesse sous nos yeux. Malgré ces déclarations dont la justesse n'a même pas besoin de preuves, les darwinistes n'en persistent pas moins à regarder le cerveau comme l'organe sécréteur de l'intelligence humaine. D'après eux, la cellule cérébrale est tout. C'est elle qui, par son action réflexe, engendre la pensée, et c'est elle qui, par ses variations moléculaires, en produit la diversité. Par conséquent, l'âme n'est qu'un vain mot. Et dire que ce sont ces élucubrations soi-disant philosophiques qu'on ose décorer du nom de progrès. Mais ces choses puériles, ou plutôt ces choses insensées de vouloir ainsi spiritualiser la matière. La science elle-même se charge de démontrer la fausseté de cette conception. Elle nous apprend qu'un corps matériel quelconque, mis en action par une force physique, ne peut produire qu'un phénomène physique. Or l'idée abstraite ne peut être assimilée à un phénomène de ce genre, elle est donc étrangère à la matière et à ses lois. Ceci est si vrai que je vous mets au défi de distinguer, soit à l'aide du scalpel, soit à l'aide du microscope, une différence quelconque de composition dans la substance du cerveau d'un imbécile et dans celle du cerveau d'un homme de génie. Je me crois donc parfaitement en droit de déclarer que le darwinisme est la négation de toute idée, de tout plan, de tout système philosophique. Il est vrai qu'on sait plus à détourner certains mots de leur sens véritable. Ainsi, à en croire l'école de Darwin, qui dit philosophe dit forcément matérialiste et athée, et, de même qu'elle a voulu déifier la nature, de même elle veut aujourd'hui déifier la philosophie. Ces hommages posthumes rendus à Voltaire, ces statues qu'on lui élève dans nos plus beaux quartiers, son nom qu'on donne à nos principales rues, Qu'est-ce donc, sinon une sorte d'apothéose de la libre pensée, dont on le regarde comme la plus glorieuse personnification? Lui, la personnification la plus glorieuse de la libre pensée. On oublie donc qu'il fut l'ami et le confident d'un despote couronné, on oublie donc qu'il a méconnu, ou plutôt qu'il a trahi son titre de français, en se raillant de nos désastres de Rosbach. On oublie donc qu'il a déshonoré sa plume en insultant l'héroïne la plus noble et la plus pure de notre histoire. On oublie donc enfin qu'il affectait pour la foule, ses idées, son ingérence dans les affaires, le plus dédaigneux mépris. Si, on sait tout cela, mais qu'importe, il fut un philosophe, cela doit lui faire pardonner bien des choses et empêcher qu'on lui garde rancune. Voltaire est donc l'homme de votre choix, c'est votre héros, c'est votre dieu. Eh bien, soit. Ce sera votre oracle. Voyons ce qu'il pense du matérialisme et de l'athéisme. Si, dit-il, une horloge prouve un horloger, si un palais annonce un architecte, comment l'univers ne démontre-t-il pas une intelligence suprême? Voltaire affectionne cette comparaison. Ainsi il dit ailleurs, l'univers m'embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Quelle plante, quel animal, quel élément, quel astre ne porte pas l'empreinte de celui que Platon appelait l'éternel géomètre? Il me semble que le corps du moindre animal démontre une profondeur et une unité de dessin qui doivent nous ravir d'admiration. Ce chétif insecte est une machine dont tous les ressorts sont faits exactement l'un pour l'autre, il est né, il vit par un acte que nous ne pouvons ni imiter ni comprendre. Portez vos yeux sur vous-même, examinez avec quel art étonnant tout y est construit. Les services, dans le corps, sont préparés de tous côtés, il n'y a pas une seule veine qui n'ait ses valvules, ses écluses, pour ouvrir au sang ses passages. Depuis la racine des cheveux jusqu'aux orteils des pieds, tout en nous est préparation, moyen et fin. Voilà le jugement que porte la philosophie par l'organe de Voltaire. Pourrez-vous y relever un mot, ne fût-ce qu'un seul, qui trahisse le matérialiste ou l'athée? Loin de là, dans chacune des œuvres de celui qui nomme la suprême intelligence, Voltaire reconnaît que tout est préparation, moyen et fin, en d'autres termes, il constate l'action providentielle. C'est que tel est l'empire de la vérité, que le blasphémateur lui-même se surprend parfois à entonner les louanges du Créateur. Note. Il n'est pas jusqu'à Diderot lui-même qui, dans un jour de raison lucide, n'ait réfuté ses disciples athées. Convenez, leur dit-il, qu'il y aurait folie à refuser à vos semblables la faculté de penser. Or il est mille fois plus fou de nier qu'il existe un Dieu que de nier que votre semblable pense. La divinité n'est-elle pas aussi clairement empreinte dans l'aile du Chiron que la faculté de penser dans les ouvrages du grand Newton? Quoi, le monde formé prouve moins une intelligence que le monde expliqué. Quelle assertion! Songez donc encore que je ne vous objecte que l'aile du papillon, quand je pourrais vous écraser du poids de l'univers. Il y a plus, personne n'a réussi mieux que Voltaire à ramener à certaines formules les dogmes les plus spiritualistes, qui a dit, « Oui, Caton, tu dis vrai, notre âme est immortelle. » Qui a dit, « Non, le Dieu qui m'a fait ne m'a point fait en vain. » Qui a dit, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer, c'est Voltaire, encore Voltaire, et toujours Voltaire. Je ne nie pas que vous puissiez répliquer qu'en fait de maximes complètement opposées à celles-là il vous serait facile d'en rencontrer de plus absolues encore dans ses écrits, seulement, prenez garde, nous retombons ici dans l'homo duplex, Avec cette différence toutefois que le mot duplex ne signifie plus dualité, mais bien duplicité. Le darwinisme est la négation de la liberté. Comment le darwinisme comprend la liberté? Ce qu'il dit à l'étudiant en médecine, il supprime Dieu, pourquoi il s'attaque au prêtre? Mesure de proscription. Grand mot et phrase sonore, le christianisme vengé par Monsieur Dumas. C'est surtout au nom de la liberté, c'est-à-dire de l'affranchissement de l'homme des soi-disant préjugés qui compriment ses aspirations et son essor, que le darwinisme fait appel aux sympathies des masses. Il s'adresse à tous indistinctement, mais de préférence encore à la jeunesse de nos écoles, qu'il sait si impressionnable, et où ses doctrines ne trouvent souvent, hélas, que trop d'écho. Comment en serait-il autrement? L'enseignement de certains maîtres athées n'est-il pas un enseignement obligatoire? On dit, par exemple, à l'étudiant en médecine, regardez ses organes, ses fibres, ses tissus, ils offrent un agencement symétrique parfaitement analogue à la cristallisation des molécules de la matière, voilà l'homme. On lui dit encore, regardez ces deux selles, au moment où on va les mettre en contact, ils se combineront pour dégager de l'électricité, de la lumière et de la chaleur, voilà l'âme. Ces prémices posées, le reste se devine. Tout notre être se transformera ainsi en une sorte de locomotive qui se meut d'elle-même par la puissance de ses ressorts, l'ordonnance de ses rouages et l'activité de son calorique, sans qu'il soit besoin de mécanicien. Or, ce mécanicien, c'est Dieu, et c'est là précisément que l'on voulait en venir. Dès l'instant où vous supprimez Dieu, vous supprimez son culte et au besoin vous saurez supprimer ses ministres. Ils ne l'ont que trop appris, les otages de la commune. Mais que vous a-t-il donc fait, le prêtre, pour le poursuivre ainsi sans relâche de vos haines et en faire le point de mire de vos sarcasmes? Sorti, comme vous, le plus souvent des rangs du peuple, parfois même des rangs les plus infimes, il s'élève, comme vous, contre les violences de l'oppresseur, et, comme vous, il déplore les malheurs de l'opprimé. Partout il flétrit la trahison et la félonie, quelque puissants que soient les coupables et à quelque catégorie qu'appartiennent les victimes. Vous dénoncez sans cesse en termes indignés l'emploi scandaleux de certaines richesses, alors qu'il y aurait tant de misère à soulager. Mais lui, que fait-il donc du haut de la chair évangélique? Est-ce que la parabole du mauvais riche qu'il invoque sans cesse également n'est pas aussi grosse de menaces que féconde en enseignement? Seulement, s'il condamne avec énergie les abus, il défend non moins énergiquement les droits. C'est qu'il sait très bien que l'inégalité des fortunés, comme l'inégalité des conditions, la conséquence obligée des destinées humaines, et que ce qu'on appelle le niveau égalitaire n'a été de tout temps qu'un leurre ou qu'une sanglante utopie. C'est qu'il n'ignore pas non plus qu'à côté des biens mal acquis ou mal employés il en est qui repose sur la plus légitime des possessions ou dont on fait le plus noble usage. Aussi proclame-t-il très haut le respect dû à la propriété s'en remettant, pour le châtiment des coupables que la justice des hommes ne saurait atteindre, à la justice divine qui, elle, aura son jour et son heure. Mais ce n'est pas ainsi que le comprend l'école matérialiste. Pour elle, toute inégalité sociale, d'où qu'elle vienne, est un crime. N'admettant pas non plus de vie future, par conséquent, pas de châtiment posthume, tout ajournement dans ce sens équivaut à ses yeux à l'impunité. Il lui faut donc dès maintenant une répression, cette répression lui paraît d'autant plus urgente, et elle la veut d'autant plus complète, qu'elle compte personnellement en bénéficier. Ainsi s'explique comment elle ne reculera pas devant l'injustice de l'acte pour corriger ce qu'elle appelle l'injustice du sort. Et comme le prêtre non seulement se sépare d'elle avec éclat sur le terrain de la spoliation, mais que, de plus, il proteste avec véhémence, au nom de la morale publique et de la probité universelle, contre cet indigne abus de la force, elle ne voit plus en lui que le complice ou même le conseiller de ceux qu'elle veut atteindre, et elle l'englobe dans la même proscription. Et tout cela se dit et se fait au nom de la liberté. Étrange liberté, on en conviendra, que celle qui, dégageant l'homme des liens qui l'unissent à son Créateur, le rend esclave de ceux qui le rivent à la matière, et fait prédominer ainsi l'appétit bestial sur l'âme intelligente. Ai-je donc eu tort de dire que le darwinisme est la négation de la liberté, en tant que le mot liberté est synonyme du mot indépendance? On dissimule, il est vrai, et on colore tout cela à l'aide de grands mots et de phrases sonores. Si on en veut ainsi au christianisme, dans la personne de ses ministres, c'est, dit-on, parce qu'en asservissant les âmes il étiole les facultés et abrutit les intelligences. Nous avons répondu ailleurs à ces allégations sans fondement. Puis on s'empare de quelques faits isolés, qui prouvent, hélas, que le prêtre est homme, et qu'à ce titre il peut très gravement faillir. Et on veut en rendre responsable le clergé tout entier. Mais où donc avez-vous vu que l'indignité d'un membre implique nécessairement la culpabilité de tous les autres? La médecine qui, elle aussi, par le caractère de sa mission, forme une sorte de sacerdoce, a eu ses castains et ses lapomerais. A-t-elle moins de droit pour cela à la confiance et au respect? Seulement, dès l'instant qu'il s'agit du prêtre, il ne saurait plus y avoir ni équité ni logique. Ce qu'on se propose, par cet appel incessant aux passions des masses, c'est de nous ramener aux époques les plus sanglantes et les plus maudites des excès révolutionnaires. Heureusement la même voix qui s'est déjà si noblement élevée contre l'assimilation de notre âme à la matière s'élèvera de nouveau pour venger le christianisme de ces abominables outrages. Laissons donc une fois encore parler Monsieur Dumas. À travers les succès et les mécomptes, les victoires et les défaites, en présence de grandes vertus et de tristes défaillances, l'Europe chrétienne, poursuivant son but depuis 1600 ans, a fait prévaloir ce qu'on avait connu dans aucun pays, chez aucun peuple, dans aucun temps, le droit de tous les hommes à la justice, à la sympathie, à la liberté. Il importe qu'on s'en souvienne. Sous la nouvelle loi morale, ne l'oublions pas, en effet, le droit n'a plus abdiqué devant la force. La justice s'est étendue sur toutes les nationalités, la sympathie n'a plus tenu compte de la couleur des hommes, la liberté a relevé les castes et les races déchues, le plus humble s'est vu protégé par son origine divine, et le plus grand s'est senti responsable devant l'éternité. La religion, la morale, la civilisation de l'Europe, repose donc sur cette base ferme du droit de tous les hommes à la justice, à la sympathie, à la liberté. Or, tout cela est l'œuvre du christianisme. Lorsqu'un édifice quelconque vient d'être terminé, il est d'usage, à titre d'inauguration, d'en opérer ce qu'on appelle le couronnement, en hissant un drapeau au point le plus élevé de la toiture. Nous aussi, maintenant que nous en avons fini avec le darwinisme, nous tenons à inaugurer notre œuvre. Seulement nous remplacerons le drapeau par la publication du bref et du brevet dont sa sainte Pie IX a dénié et honoré nos efforts et nos travaux. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF FR, Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.